Quatrième chapitre. Vous seriez mieux dans votre lit pour cuver le vin du pardon, disait une voix de femme un peu tremblante, avec quelque chose dans l'accent de sévère et de contristé tout ensemble. Le charveur écarta l'énorme chien de garde qui lui promenait la langue sur la face, léchant ses larmes, secoua le foin qui s'était accroché à ses vêtements et se tint debout devant René Anne. Elle était éclairée comme d'un nimbe par la lune, dont le disque bleuâtre commençait à dépasser la cime des pins plantés en bordure de l'air pour la protéger des vents d'est. Droite et mince, en sa longue robe noire et sous son grand châle de veuve, elle reprit. « Quand j'ai vu que la nuit s'avançait, j'ai craint qu'il ne vous fût arrivé malheur. Alors j'ai détaché Turc et je lui ai dit « Cherche !» Il y a plus de 2 heures que votre soupe vous attend auprès du feu. Vous êtes comme les autres, paraît-il. Boire vous empêche d'avoir faim. » « Vous vous trompez, René-Anne, répondit Emmanuel en rompant lui aussi, à l'exemple de sa cousine, avec le tutoiement qui leur était habituel et que l'usage autorise, du reste, en Bretagne, entre gens de toutes conditions. « Ce n'est certainement pas ce que j'ai bu à l'auberge qui aurait pu me couper l'appétit. » Elle eut un léger haussement d'épaules. Puis d'un ton quelque peu radouci. « Viens donc, tu mangeras si tu veux. En tout cas, avant que tu te couches, j'ai à te consulter. » Elle se dirigea vers la ferme où Emmanuel ne tarda pas à la rejoindre après qu'il eut ramené Turc au chenil, situé de l'autre côté des bâtiments, contre le porche de la cour principale. Les sentiments les plus divers et les plus confus se disputaient l'âme du charrueur. La désobligeante et si injuste supposition de René-Anne l'avait blessé au vif. Ivre, elle l'avait cru ivre, et cela tandis que navré d'amour? Non, vrai, ce n'était pas le moment de le traiter de la sorte. Mais tout aussitôt, il réfléchissait que, faible encore et de santé si débile, elle avait eu la bonté de veiller pour l'attendre, de lui garder au feu sa soupe chaude et finalement de s'inquiéter de lui jusqu'à se mettre à sa recherche, sans autre escorte que le vieux chien, malgré l'heure peu rassurante, malgré la nuit. Toute sa rancune fondait à cette pensée. Restait néanmoins un point noir, cette consultation. C'était donc bien pressé et bien grave que René-Anne tenait à s'en expliquer sur le champ. Qu'allait-elle lui demander ou lui apprendre? Ses accordailles, peut-être, avec le fils de Rosevilliou? Il en avait une sueur froide, une sueur d'angoisse, au point qu'il dut s'éponger le front du revers de sa manche avant d'attaquer l'écuellé de potage fumant que la veuve venait de déposer devant lui sur la table. Elle, cependant, assise sur le banc de son lit clos, près de l'âtre, enveloppait de cendre les tisons, de façon que la braise couva jusqu'au lendemain et qu'on n'eût, au lever, qu'à en raviver la flamme. Après quelques minutes d'un silence troublé seulement par les grands coups sourds du balancier de l'horloge, s'étant aperçue qu'Emmanuel ne mangeait plus, elle se rapprocha. « C'est ta faute, dit-elle, si j'ai porté sur toi un mauvais jugement. Une autre fois, épargne-moi ces peurs. » Quelle idée aussi d'aller te fourrer dans le foin en cette saison? J'ai su que tu avais du monde. J'ai craint d'être un gêneur, de tomber mal à propos. Elle repartit du ton le plus naturel. En quoi un gêneur? Est-ce que tu n'es pas pour moi comme si tu étais de la maison? Et moi qui priais l'aîné des Mainguy de patienter jusqu'à ton retour, sûre que tu rentrerais au brin de nuit, car c'est tout le monde que j'ai eu, ce Mingui. Il paraît que leur froment n'a presque pas donné de paille cette année dans la montagne. Il en voudrait quelques milliers et nous céderait une paire de bœufs en échange, de leurs bœufs de là-haut, petits et trapus. J'ai répondu que je ne pouvais rien décider sans toi, que ces sortes de choses te regardaient. Comme tu n'arrivais pas, les étoiles déjà claires, il a pris congé, non sans beaucoup d'ennui. Il a grand défaut de cette paille et souhaite de la voir dès demain si nous consentons au marché. Qu'en dis-tu, Emmanuel ? Je dis qu'au prix où sont les bœufs, tu aurais tort de refuser le cadeau de Mingui. Le cadeau ? Fit la jeune femme, dont les joues pâles se colorèrent d'une rougeur subite. Je n'ai, s'il te plaît, de cadeau à recevoir ni du fils Mingui ni de personne. Il n'y a pas d'autre nom pour désigner une offre aussi invraisemblable, prononça le charrueur. Ou bien il faut que l'aîné des Roseville soit un bonnet. Son irritation de tantôt lui était revenue et vibrait malgré lui dans sa voix. René Anne fixa sur lui ses beaux yeux graves. « Tu m'étonnes, » dit-elle. « Est-ce que tu subirais les influences de la lune par hasard ? J'ignore ce que tu peux avoir contre Jérôme Mingui. Je l'ai trouvé, quant à moi, d'une tenue parfaite et d'une conversation fort agréable. » C'est au moins un homme bien appris. On voit qu'il a reçu de l'instruction et qu'il lui en est resté quelque chose. Ce n'est pas pour dire, Emmanuel Prigent, mais il serait à souhaiter qu'il y eût dans nos campagnes beaucoup de paysans comme celui-là. C'est assez pour toi qu'il y en ait un, ricana le laboureur. Chacune des phrases de René Anne avait pénétré en lui jusqu'aux fibres profondes, irritant sa plaie secrète, son amour douloureux et saignant. Il ajouta, le plus posément qu'il put, avec un calme affecté, « Tu voudras bien, je pense, me garder cet hiver encore à Guernam. L'hiver est une mauvaise saison pour se placer. D'ailleurs, la loi ne te permet pas de te remarier avant la Pentecôte. » Rancogné dans l'embrasure de la fenêtre, René Anne écoutait son cousin sans comprendre. À quoi tout cela rimait-il ? Les dernières paroles enfin l'éclairèrent. Une stupeur attristée se peignit sur son visage. Et deux larmes tremblèrent à la pointe de ses grands cils. Mais elle se ressaisit aussi vite et, d'un violent effort, maîtrisa son émotion. « Emmanuel, déclara-t-elle d'une voix ferme, quand nous avons fait nos conventions, je t'ai dit, tu auras tout pouvoir sur les hommes et sur les travaux des champs. Il ne me souvient pas que je t'ai chargé du soin de ma conduite. Mêle-toi donc de ce qui te regarde. Je t'ai choisi pour être mon chef de culture, non pour être mon confesseur. Je te croyais plus de sens et un cœur moins brutal. Il m'avait semblé remarquer en toi une générosité native qui t'élevait à mes yeux au-dessus de ton état. Mais il y a décidément un savoir-vivre qui ne s'apprend ni à la caserne, ni au labour. Tu m'as outragé grossièrement. À cause de ton ignorance des usages, je te pardonne. Seulement, tiens-toi pour averti. Une autre fois, je ne pardonnerai plus. Et maintenant, va te coucher. J'entends que demain, au champ du coq, il y ait 4 charretées de paille en route pour Roseville. Le charrueur n'essaya pas de répliquer. Il avait la tête brûlante et vide, la gorge serrée, la vue si trouble qu'il n'aperçut même pas la lanterne allumée que René Anne lui tendait. Il sortit de la cuisine en chancelant, suivit le couloir à tâtons et la porte tirée derrière lui se laissa tomber sur les marches extérieures. Il n'avait plus ni sentiment ni pensée. C'était comme s'il eût assisté, mort lui-même, à la mort, à la fin de tout. La nuit muette, la mélancolique nuit d'automne, où fermentaient de vagues odeurs de moisissure et de décomposition, lui apparut comme un sépulcre immense, et les astres, là-haut, avec leurs dures et froides lueurs d'acier, lui firent l'effet de clous épars dans le couvercle d'un vaste cercueil. Soudain, de l'autre côté de la muraille, dans la maison, une voix douce commença. « Madoué, Maigrette fermement, mon Dieu, je crois fermement. » C'était René-Anne qui récitait ses grâces avant de se mettre au lit. D'une lèvre machinale, il répondit « Amen ». Puis, à travers le tapis de fougères séchées qui jonchait la cour, il gagna l'écurie.